Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal, une édition spéciale essentiellement consacrée sur le trafic des êtres humains au Burundi. Mais nous avons également d'autres nouvelles, comme ce jeune Raymond Sabimana qui vient d'être tué cet après-midi en zone Moussaga, alors que l'internat pour filles à l'été Skamengue a pris feu la nuit dernière. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Avant de commencer avec le grand sujet du jour, un certain Raymond Sabimana a été tué cet après-midi en zone Moussaga. C'était autour de 14h30. Il était serveur dans un bistrot de la 2e avenue au numéro 25 où il a été atteint d'une balle tirée par un inconnu mais qui a été vite identifié par la police qui le recherche en ce moment. Le porte-parole de la police, Pierre Mourikiye, confirme l'information mais dit ne pas être au courant des arrestations qui auraient eu lieu. Je vous le disais, notre rédaction a eu son mot à dire sur le trafic des filles et femmes censées aller dans des pays arabes pour servir de main-d'œuvre, alors qu'elles subissent un traitement dégradant arrivées là-bas. Voici l'éditorial lu par Léonce Vitario. Le trafic des humains, on en parlait peu, mais reste une réalité. La question que l'on peut se poser est l'état des lieux au Burundi. Des doutes planent sur l'envoi des femmes et filles en terre étrangère, surtout dans certains pays arabes. Elles sont transportées dans la clandestinité et l'on brandit qu'elles vont devenir des femmes de ménage. Nous ne nous opposons aucunement pas à ce qu'elles gagnent leur vie. Mais certaines d'entre ces Burundaises qui ont la chance de retourner au pays affirment avoir vu et ou vécu tous les maux. Des corvées, des tortures, des rapports sexuels forcés, pour ne citer que cela. Il y en a même qui sont pendues. Il y a peu, la police burundaise a annulé le voyage de 4 jeunes filles qui se rendaient en Oman. Inutile d'en dire long, mais elles peuvent avoir échappé à un grand risque. Près d'une trentaine d'autres allaient être embarquées pour l'Arabie Saoudite, n'eurent été des cris qui se sont élevés pour s'y opposer. La société Royal Service, qui a son siège à Bujumbura, avait tout assuré au niveau logistique afin que ces filles et femmes arrivent à destination. Les responsables de ladite association renseignent qu'elles travaillent en toute légalité. C'est bien, mais on ne peut pas manquer à douter. Ce qui est curieux, c'est une chaîne d'institutions qui opère pour la réussite de ces voyages de filles et femmes. En effet, les documents de voyage leur sont octroyés en masse par la police de l'air et des frontières. Certaines structures sanitaires, notamment Kira Hospital, un des grands hôpitaux de Bujumbura, leur font des consultations pour voir si elles sont bien portantes. Au niveau du gouvernement, la radio Isanganiro a cherché à maintes reprises le responsable du ministère de l'Intérieur pour savoir la légalité, sinon l'illégalité de Royal Service qui envoie ses Burundaises travailler en Arabie Saoudite. C'est toujours le silence, voilà déjà 3 semaines. Une chose est sûre, le gouvernement burundais a mis en place en 2014 une loi interdisant le trafic des humains. Il a par ailleurs ratifié des lois internationales visant le respect des droits de la personne humaine en général, celui des femmes et enfants en particulier. Mais qu'en est-il aujourd'hui pour ces filles et femmes burundaises? Il n'y a pas 1000 voix, une vraie réponse proviendrait du gouvernement. Le trafic des humains, s'il est prouvé un jour que ce soit une réalité au Burundi, il n'est pas de nature à honorer le pays, les auteurs non plus. Merci Léonce. La rédaction Isanganiro a approché quelques filles qui ont eu la chance de retourner au pays après leur séjour de travail à Oman. Celles-ci estiment que les conditions de travail à Oman sont délicates. On les écoute. Je suis parmi ceux qui sont partis à Oman et qui sont revenus. Je suis partie pour le travail. C'est une personne qui m'a appelé d'Oman et qui m'a expliqué toute la procédure. Elle a envoyé de l'argent pour le passeport et le visa. C'est elle qui a tout payé et je suis partie. Tu étais au courant du travail que tu allais faire? On ne m'a pas informé du travail que j'allais faire. Je l'ai su quand je suis arrivée. J'ai fait mon travail correctement. harcèlement, j'étais comme une prisonnière. C'est l'une des choses que j'ai pu constater dans le pays arabe. Tu étais dans quelle ville? J'étais à Oman, mais je n'étais pas au centre-ville. J'étais à Abu Dhaya, à la frontière entre Oman et Dubaï. Tu étais payé combien? Quand j'ai commencé, j'étais payé 60 riyads et après 2 mois, j'ai déclaré et on m'a ajouté 10 riyads. Après 2 mois encore, on a encore augmenté 10 riyads. 80 riyals, esquivés à combien en offrant beau? 80 riyals, c'est 330 000 francs beau. En réalité, je n'avais jamais eu un travail qui me payait autant d'argent. C'est pourquoi quand je suis arrivée à Oman et quand j'ai vu cette somme d'argent, j'ai essayé de me retenir même devant tant de mauvais traitements de la part des Arabes. Parce qu'ils nous traitent comme des prisonniers. Je ne sais pas si c'est parce que nous n'avons pas la même couleur de la peau. Tout ce qu'ils faisaient, l'important pour moi était d'avoir un salaire. Tu as vu d'autres Burundais qui vivent là-bas? Beaucoup de Burundaises qui sont à Oman sont presque toutes comme des prisonnières. Mais on communique à travers les réseaux sociaux comme WhatsApp. Il y en a qui vivaient bien, mais d'autres vivaient dans de mauvaises conditions, comme en général la majorité vivait dans des conditions difficiles car on ne vivait pas comme nous en avions l'habitude ici au Burundi. Une autre femme estime qu'elle a vu qu'à Oman, le trafic des femmes se fait sans contrainte car les échanges se font à travers des intermédiaires. Avant mon départ, on m'a dit qu'il y a une personne qui va m'accueillir là-bas et c'est lui qui va être mon employé. Je me suis croisée avec un agent qui travaille avec d'autres personnes d'ici au pays. On vous paie des tickets d'avion? Si, c'est eux qui paient des tickets. Après, on confisque nos passeports et on te le donnera à ton retour. Moi, après une semaine, j'ai vu quelqu'un venir m'acheter. On vous achète? C'est ce que je voyais, parce qu'on les payait à peu près 550 milliards, ce qui équivaut à 2 millions. Et cet argent revient au premier demandeur, c'est-à-dire celui qui m'a acheté avant. En Oman, il est difficile et interdit de sortir de la parcelle. On vit comme des esclaves. Et puis là-bas, je n'ai vu d'autres filles car j'étais comme un esclave. Je demande à toutes les filles et femmes de chercher la vie ici au Burundi et non ailleurs car les Arabes maltraitent leurs travailleurs. Au moment où certaines organisations de défense des droits de l'homme dénoncent le trafic des humains, arguant qu'ils transitent à la recherche du travail, les filles de Rugombo en province de Cibitoke ont empêché le 26 du mois dernier de partir dans certains États arabes, s'indignent et certaines d'entre elles indiquent qu'elles allaient chercher du travail pour gagner leur vie compte tenu du chômage, crevant les yeux dans leur région. On les écoute. Arrivé au chef-lieu de la province Cibitoke, la police nous a interceptés. Elle nous a conduits au bureau communal. Nos cartes nationales d'identité ont été saisies. On nous a refusé de quitter le pays. On allait faire le travail de ménage. Celui qui a terminé ses études allait travailler au magasin. On ne voit pas vraiment du mal car nous allons chercher la vie. La richesse de mon père ne m'appartient pas. Je vais chercher ma vie. Nous sommes désœuvrés il y a 3 ans. C'est vraiment triste de voir quelqu'un qui t'empêche d'aller travailler. Nous les filles de Rugombo, nous n'avons pas de paix. Si on nous empêche toujours de partir, nous allons partir par force, qu'il pleuve, qu'il neige. Moi, j'ai un enfant, son père nommé Danrien. J'ai trouvé quelqu'un qui allait me montrer où travailler, mais on m'en empêche. C'est vraiment regrettable. Comment va vivre mon enfant alors que son papa ne lui donne rien? On allait chercher la vie ailleurs pour qu'on puisse vivre. Nos parents nous ont permis de partir, arguant qu'ils vont garder nos enfants. Un autre témoignage est donné par une autre fille originaire de la province de Muyinga. Suivez. J'ai 17 ans, mais j'ai déclaré 23 ans puisqu'on nous exigeait de majorer l'âge à partir de 23 ans jusqu'à 35 ans. Voilà pour ce qui est de ces témoignages. Et le chargé de la logistique dans la société Royal Services affirme qu'il procède aux examens médicaux avant d'autoriser le voyage de ces femmes. Il nous a confié qu'un lot de 90 passeports pour des femmes qui avaient déjà subi des examens venait d'être réceptionné au moment de notre visite. Des examens médicaux qui se font à l'hôpital Kira Hospital ici en mairie de Bujumbura, selon l'association Royal Services. Mais, mensonge, dit le directeur de cet hôpital qui indique que parmi les organisations qui fréquentent cet hôpital ne figure pas Royal Services. Suivez Dr Christophe Sahabo au micro de Francine Dirokugai. Il y a des patients qui viennent vers nous pour des bilans de santé, il y a des patients qui viennent vers nous pour des traitements. Nous, on a un hôpital qui accueille tout le monde. Alors parmi ces patients, il y en a qui payent pour eux-mêmes, il y en a qui sont pris en charge par des sociétés burundaises ou étrangères qui œuvrent à Bujumbura. Il y a même des associations aussi qui envoient des étudiants à l'étranger ou bien des personnels à l'étranger. Est-ce que sur la liste de ces associations figure une dénommée Royal Services? Nous avons beaucoup de sociétés qui sont en convention avec nous pour les soins ou les bilans de santé. Et quand je revois la liste de ceux-là, je ne trouve pas cette association que vous citez qui s'appelle Royal Services. Pourtant, elle vous a cité comme étant l'hôpital qui aide à faire des bilans de ces gens qui sont amenés à l'extérieur. En tant que soignant, je ne peux pas savoir qui se trouve derrière un patient ou un nom de patient. Nous, on prodigue des soins, c'est notre mission. Donc, s'il y a un patient ou un groupe de patients qui viennent faire des bilans pour voyager à l'extérieur, ou bien pour aller étudier à l'extérieur, ou bien même pour trouver un travail à l'extérieur, nous, on l'accueillera dans le cadre de ce bilan de santé. Ces organisations ou associations n'ont pas des contrats qui sont semblables? Alors, un hôpital, c'est un lieu de soins, et tous les contrats ont l'objectif d'avoir justement des soins de cet hôpital. Pour nous, l'objectif est le même. Tous ces contrats-là, c'est pour les soins, ou bien pour les diagnostics, en vue des soins. Voilà donc le démenti du docteur Christophe Sahabo. Cette société Royal Services, qui recrute des femmes et filles pour l'Arabie Saoudite, dit qu'elle travaille dans la transparence. Ali Nyonguru, directeur général de Royal Services, précise que cette société est agréée et qu'elle recrute dans toutes les provinces du pays. Suivez. Qu'est-ce qui se passe quand nous recrutons? C'est que nous avons des agents du bureau qui portent nos badges et qui ont les qualifications requises pour faire ce travail. Et si jamais nous sous-traitons pour le recrutement, nous donnons à ces sous-traitants une ordre de mission qu'ils présentent dans tous les bureaux requis de cette commune, de cette province, de ce lieu, pour qu'ils ne puissent pas avoir ce genre de problème qui subvienne. Ça signifie que vous recevez les femmes qui proviennent de toutes les provinces du pays? Royal Service a ses bureaux à Bujumbura, mais Royal Service est une société burundaise pour les Burundais. Royal Service s'étend sur l'étendue du pays. Nous avons des points focaux sur tous les pays, dans toutes les provinces, qui sont aptes et adéquats pour faire ce travail de recrutement. Les filles et femmes que nous recrutons, premièrement, doivent être âgées entre 21 et 35 ans. Ces filles-là viennent à nos bureaux, se présentent avec leur carte nationale d'identification pour qu'on puisse voir d'abord que leur âge est conforme. Et puis après, nous leur présentons un document qui atteste ce que nous voulons de leur part. Photo d'identification, attestation d'identité complète, leurs attestations de résidence et autres. Donc, après que cela soit fait, elles passent à la procédure d'examen d'aptitude physique. Après que les examens d'aptitude physique soient conformes, elles viennent faire une formation. Ce qui leur incombe, quel est leur travail, qu'est-ce qu'elles devront faire, quels sont leurs droits. Et les psychologues veillent à voir que ces personnes-là savent exactement ce qu'elles vont faire. Et veillent aussi à voir que ces personnes-là sont adéquates. Est-ce qu'on peut savoir quoi comme travail elles vont faire en Arabie Saoudite? Nous sommes en train de recruter des femmes de ménage. Bien entendu, plus tard, nous aurons plusieurs autres postes. Mais là, maintenant, nous sommes en train de recruter des femmes de ménage. Est-ce que vous avez les moyens de suivre ces femmes une fois arrivées à l'Arabie Saoudite pour voir si leurs droits sont garantis là-bas? Nous sommes une société qui travaille dans les normes. Nous sommes une société qui travaille dans les droits et raisons burundais. Nous avons une société sœur qui est en Arabie Saoudite, a aussi des ressortissants burundais qui sont sur place, qui suivent en détail le bien-être de nos recrues. Et nous travaillons en connivence avec l'ambassade du Burundi là-bas pour que nous faisons en sorte que leurs droits soient respectés comme il se le doit. Et pour ce qui est de la légalité ou de l'illégalité des activités de Royal Services, nous sommes en contact avec le porte-parole du ministère de l'Intérieur depuis 3 semaines. À chaque fois que nous avons posé la question, Terence Naïra Jean nous a répondu qu'il cherche encore. Toujours sur ce dossier, la police reconnaît qu'il s'agit d'un réseau qui opère dans le trafic des femmes et filles. Pierre Mouriquier, porte-parole de cette institution, informe que la police est en train de faire des enquêtes après qu'elle ait arrêté ce lundi un groupe de personnes qui s'apprêtait à envoyer 4 jeunes filles à Oman. Suivez. Il s'agit d'un réseau de trafiquants. Certains se trouvent à Nairobi, au Kenya. D'autres se trouvent ici au Burundi. Il y a même des Burundais complices. Et d'autres se trouvent à la destination, c'est-à-dire dans les pays arabes. Il y a précisément une Tanzanienne et un Éthiopien qui se trouvent en Arabie Saoudite et qui, lorsque ces enfants arrivent dans ces pays, les accueillent et les mettent dans un endroit. Et puis ces hommes d'affaires viennent et choisissent qui il veut, comme si c'était vraiment au marché du bétail. Une fois acheté, ces enfants sont alors utilisés dans des travaux de ménage. Mais pire, ils sont aussi abusés, que ce soit sexuellement ou alors harcelés. Et ils subissent des traitements inhumains. Et la preuve en est que l'une de ces filles est parvenue à adresser un message à la police nationale du Burundi. La police est en collaboration avec l'Interpol. Comment on puisse secourir cette fille qui est maltraitée par... Un autre cas malheureux, c'est une fille qui serait déjà morte suite à ce mauvais traitement dans ce pays. Et le collectif des associations et ONG féminines au Burundi, CAFOB, s'inquiète du trafic des femmes et filles burundaises, selon Soline Rubuka du dit collectif. Le trafic des hommes déshonore le pays. Elle demande donc aux autorités burundaises de suivre de près le lieu de destination de ces femmes et filles. Ce phénomène nous a beaucoup inquiétés parce que c'est un phénomène qui participe dans la dégradation des mœurs et qui affecte les droits de la personne humaine et surtout les droits de la femme. C'est en quelque sorte une traite moderne, une forme d'esclavage moderne. Ce qui nous inquiète, c'est parce que l'argent qu'elle touche là-bas, c'est de l'argent qui a une valeur par rapport à ce qu'on gagne ici au pays, et c'est ça qui les allège. Mais qu'est-ce qu'elles vont gagner si leur vie en est affectée, si leur santé en est affectée? Nous trouvons que le gouvernement burundais a l'obligation de protéger la vie des citoyens, arrêter ce mouvement, si les enquêtes prouvent que... En tout cas, aller à Oman et en Arabie Saoudite comme femme et y trouver du travail, c'est s'exposer à l'exploitation sexuelle et à l'esclavage moderne. Et l'organisation ONLCT, qui lutte contre le commerce des êtres humains, s'inscrit en faux contre le trafic des femmes et filles burundaises. Maître Prime Mbarubukeye, président de cette organisation, appelle toutes les organisations engagées dans la promotion des droits de l'homme et le gouvernement de conjuguer leurs efforts pour mettre un terme à ce trafic. Il faut que tous les intervenants en matière agissent en synergie pour voir comment éradiquer ce fléau. Et nous voulons dire le gouvernement, les organisations internationales et vraies au Burundi, et les organisations de la société civile qui travaillent sur le droit soit des enfants ou les droits de l'homme en général, et la population, et la justice, et l'administration. Il faut vraiment toute une synergie de tous les concernés parce que c'est une question d'ampleur nationale et internationale. Les trafiquants œuvrent en réseau. Il faut aussi que les autres, de l'autre côté, travaillent en synergie. Nous aimerions à ce que la justice réprime sérieusement ce genre d'infraction pour décourager ceux qui sont en train de commettre cette infraction, de trafiquer les gens. Et le ministre en charge des droits de l'homme relativise pour Martin Ivyabandi l'importance est de travailler dans la ligne de la loi. En soi, quitter le Burundi vers un autre pays à la recherche d'un travail, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est un problème, c'est que c'est organisé de façon illégale. Les sociétés doivent respecter certaines règles, demander des agréments et se convenir avec le gouvernement sur ce qui va se passer, quel sera l'avenir des femmes et des jeunes filles. Aussi faire le suivi et respecter les règles qui guident le travail d'un étranger dans un pays comme l'Arabie Saoudite, comme Oman. Et c'est pourquoi aussi au niveau du Burundi, on est en train de travailler avec toutes les instances pour que cette question puisse trouver des solutions le plus rapidement possible dans l'intérêt de nos enfants. Quant au ministre des Relations extérieures, il nie l'existence d'un quelconque accord entre le Burundi et d'autres pays en ce qui concerne l'échange de main-d'œuvre. Pour Alain Nyamitwe, tout envoi d'un personnel dans un pays étranger doit être sanctionné par un accord entre les deux pays. la question des sœurs burundaises qui se rendent en Arabie Saoudite ou même dans d'autres pays, des frères burundais aussi par ailleurs, doit suivre un certain nombre de paramètres. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des accords de contribution à main d'œuvre qui doivent être signés entre le Burundi et ces pays où se rendent ces gens. Parce qu'il peut y avoir des difficultés après, et malheureusement, une fois que les difficultés naissent, c'est l'État d'où ils sont originaires qui doit payer le prix. Ils rentrent parfois dans des conditions dramatiques, dépouillés de tout leurs biens, et l'État est obligé de les recaser dans leur communauté respective. Il faut absolument qu'il y ait un accord entre le Burundi et le ou les pays où se rendraient ces personnels. Dans le cas de l'Arabie Saoudite, moi je n'ai pas encore de texte qui régisse ou qui régirait les rapports entre l'Arabie Saoudite et le Burundi sur cette question. Et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, décrit cette situation dont sont victimes les femmes et filles burundaises. Jean-Baptiste Vandribonekeza, président de cette institution, qualifie de préoccupante le commerce de nos compatriotes. Pour lui, une enquête urgente est nécessaire pour mettre au clair toute activité irrelative et toute organisation qui est impliquée. C'est une situation assez préoccupante et donc on ne peut pas croiser les bras. On doit vérifier et pouvoir faire la différence entre les cas en fait de migration économique régulière où les gens vont à l'étranger à des fins tout à fait normales de recherche du travail par exemple, par rapport au cas où des réseaux, n'est-ce pas, exploitent la vulnérabilité de certaines catégories de personnes à des fins pécuniaires. Donc il y a des circonstances où certaines personnes, certaines entreprises peuvent profiter soit de la vulnérabilité, de la pauvreté dans certaines communautés, ou bien de l'ignorance, n'est-ce pas, par rapport aux différentes pratiques et à ce à quoi ils ont droit, ou encore du déficit dans les différentes législations nationales, ou bien dans les procédures opérationnelles de certains pays, et évidemment, profitent de toutes ces lacunes pour pouvoir trafiquer des personnes qui vont travailler à moins cher. Et donc, il s'agit non seulement de vérifier, si vous voulez, la légalité de l'agrément de la société, il s'agit aussi de vérifier si, étant une société agréée, au cas où c'était le cas, est-ce que la société aussi se conforme justement aux lois nationales, est-ce qu'elle se conforme aux engagements, n'est-ce pas, qu'elle a pris en tant que société, parce que ça, chaque société est agréée pour mener une série d'activités, elle a un objet social, un certain nombre de, n'est-ce pas, d'activités qui sont décrites, qui doivent être menées suivant un certain nombre de procédures, et notamment dans le respect des règles de l'art, dans le respect de la déontologie professionnelle, mais aussi et surtout dans le respect des droits de l'homme. Voilà pour ce qui était de ce dossier en rapport le trafic de ces femmes et filles au Burundi. Dans l'entretemps, vous aurez compris, le gouvernement est interpellé par tout le monde pour qu'il puisse mettre fin à ce trafic. D'autres nouvelles nationales, le ministère de la Sécurité publique interpelle les parents à exercer davantage leurs responsabilités parentales afin d'épargner leurs enfants des manipulations politiques. Dans un communiqué de presse sorti ce jeudi, le porte-parole de ce ministère rappelle que la majorité pénale au Burundi est de 15 ans. Les enquêtes déjà menées indiquent que Pierre Nkurunziza prouve que ces comportements sont dus aux manipulations politiques pour les uns et aux échecs scolaires pour les autres. Ce communiqué tombe après que 11 élèves du lycée communal de Muramvya aient été emprisonnés pour falsification de la photo du président burundais dans leur livre et 6 autres relâchés car étant des mineurs. Le même comportement s'est observé à l'école fondamentale de Ruziba en province Bujumbura, où 300 élèves ont été renvoyés, mais ont regagné le chemin de l'école une semaine après. Et le bâtiment qui servait d'internat pour filles à l'école technique secondaire de Kamenge a pris feu la nuit de ce mercredi à jeudi. D'importants dégâts matériels, notamment une centaine de matelas et matériel scolaire des élèves réduits en cendres et d'autres objets. Ce bilan pourrait s'alourdir car les recherches continuent, mais pas de pertes en vies humaines, heureusement. Les élèves de l'ETS Kamenge sinistrés demandent à l'État de leur venir en aide concernant les fournitures scolaires et la reconstruction de leur bâtiment. Le directeur d'internat dit que ces filles vont être logées provisoirement dans un autre dortoir qui hébergeait des élèves actuellement en stage. Et une zone économique spéciale va être désormais implantée au Burundi selon le rapport de la commission technique chargée de sa mise en place, rendu public ce jeudi. La production industrielle sera exportée pour apporter au Burundi des devises. Comme le souligne Moïse Sagamba, président de la commission, deux sites sont déjà choisis pour abriter cette zone et demandent que des instruments juridiques portant régime de cette zone soient rapidement adoptés d'ici fin août. Ces sites sont Warubondo en zone Gatumba et Kiyang dans la zone de Buterere. Enfin, certains parmi les clients du bureau postal de Bururi se lamentent qu'ils sont irrégulièrement servis. Tantôt, ils reçoivent une partie de l'heure due, tantôt, ils rentrent même bredouille. Alors qu'ils voudraient l'amélioration de la situation, Longin Muyoku, directeur administratif et financier à la Régie nationale des postes, dit qu'il n'est pas au courant de cette situation. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Albert Ndouaille pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana, nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.